Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler des Européens qui font face à une guerre en Ukraine qui prend une nouvelle ampleur. Oui, ces derniers temps, la guerre en Ukraine a pris une nouvelle ampleur, effectivement. Oui, 3 ans de conflit depuis l'invasion russe de l'Ukraine qui ont transformé durablement l'Union Européenne et accéléré la mise en œuvre de nouvelles stratégies pour gagner en souveraineté, accélérée aussi par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Oui, pour rappel, l'invasion russe a commencé le 24 février 2022. Oui, et le soutien des Européens n'a pas failli depuis cette date. Pour la première fois de son histoire, l'Union Européenne a financé des livraisons d'armes à un pays en guerre. Et depuis 3 ans, les 27 poursuivent leurs efforts pour assurer leur sécurité, leur indépendance et rester unis dans un contexte géopolitique toujours plus incertain, notamment face au retour, comme on l'a évoqué, de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et l'aide apportée par l'Europe dépasse même celle des USA. Oui, Donald Trump affirme que les États-Unis ont versé près de 300 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre contre la Russie, tandis que l'Europe lui aurait fourni seulement 100 milliards. Or, l'aide européenne dépasse aujourd'hui celle de Washington. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, au 31 décembre 2024, les États-Unis avaient apporté un total de 114 milliards d'euros, donc déjà un peu loin des 300 milliards annoncé par Donald Trump, donc 114 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, contre 132,3 milliards d'euros pour l'Europe, selon le Kiel Institute. Un montant partagé entre l'Union européenne et ses États membres, auxquels s'ajoutent le Royaume-Uni, la Norvège et l'Islande. Donc il y a des dépenses réalisées par les pays eux-mêmes et d'autres par l'Union européenne. Oui, pour les seules dépenses de l'Union européenne, ce sont 46,4 milliards de fonds qui ont été alloués entre 2022 et 2024. L'aide militaire, elle, a été majoritairement fournie par les États membres en leur propre nom, quitte à être partiellement remboursée par l'Union européenne, ce qui apparaît comme une aide financière. L'Union européenne n'est en effet pas compétente pour effectuer directement des dépenses militaires. Donc les aides sont surtout très différentes. Les États-Unis fournissent la majorité de l'aide militaire, l'Europe le plus d'aide humanitaire. Oui, en termes de soutien militaire, les États-Unis restent devant l'Europe. Washington a fourni un total de 64,1 milliards d'euros pour aider l'Ukraine à s'armer et se défendre entre 2022 et 2024, contre 62 milliards pour l'Europe. L'Oncle Sam reste le premier fournisseur de véhicules de combat d'infanterie, d'obusiers, de systèmes de fusées à lancement multiple. L'Europe se distingue en revanche par d'importantes aides financières et humanitaires. Rien que dans l'Union européenne, elles avoisinent 70 milliards d'euros en 2025. Et l'Union européenne a activé en parallèle le mécanisme de protection temporaire pour accueillir des réfugiés ukrainiens sur son territoire, un dispositif de 17 milliards d'euros. Europe On Air avec les centres Europe Direct. De retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe en Air, présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle des Européens qui font face à une guerre en Ukraine qui prend une nouvelle ampleur. Oui, cette guerre a été un coup d'accélérateur pour l'Europe de la défense. Tout à fait, la menace russe et le détournement des États-Unis de ses alliés historiques forcent aujourd'hui les Européens à mettre sur pied une véritable politique européenne de défense complémentaire de l'OTAN. Et pour la première fois de leur histoire, la majorité des pays de l'Union Européenne consacrent désormais plus de 2% de leur PIB à leur budget de défense. Où en est justement l'idée d'une Europe de la défense ? Alors déjà, il faut savoir qu'avec 312 milliards de dollars en 2023, les budgets militaires des 27 États de l'Union Européenne forment la deuxième puissance mondiale. Derrière les États-Unis, 916 milliards, mais devant la Chine, 296 milliards, et la Russie, 109 milliards. Pourtant, les divisions internes entravent les décisions liées à la défense européenne, qui sont soumises au vote à l'unanimité. Exemple concret, le blocage hongrois des fonds destinés à rembourser l'aide militaire à l'Ukraine. Plusieurs idées sont avancées. Oui, Bruxelles veut augmenter son autonomie stratégique, industrielle et technologique. 50% des acquisitions militaires des États membres devraient provenir de l'industrie européenne de la défense d'ici 2030 et 60% à l'horizon 2035. Parce qu'il faut savoir justement que certains pays achètent des armes à d'autres pays en dehors de l'Union européenne, comme la Belgique par exemple pour ses avions qui en a acheté aux États-Unis. L'objectif justement, homogénéiser l'armement et améliorer l'interopérabilité des armées. Donc par exemple, si l'armée allemande a besoin d'aide, que les Français sachent utiliser les armes allemandes. Donc c'est pour ça que avoir des armes homogènes, ce serait plutôt une plus bonne simple, idée. Voilà. Plus simple, effectivement. Au niveau de l'énergie, on a une énergie européenne plus autonome, mais pas totalement sevrée de la Russie. Alors, les pays baltes, fervent soutien de l'Ukraine, souhaitaient rompre totalement leur lien énergétique avec la Russie. C'est désormais chose faite depuis le 9 février 2025. Justement, les lignes à haute tension ont été coupées entre, entre les États. L'épineuse question de l'énergie préoccupe les Européens depuis le début de la guerre. En 2021, de nombreux pays restaient dépendants de Moscou pour leur approvisionnement en gaz, en électricité ou en hydrocarbures. Et à l'époque, l'Union européenne importait 45% de ses besoins de gaz depuis la Russie. Pour y remédier, l'Union européenne a mis en route le plan Repower EU au printemps 2022 afin de sortir de sa dépendance au gaz, au pétrole et au charbon russe d'ici à 2027. Résultat, l'Union européenne n'importait plus que 15% de gaz russe en 2023, donc on rappelle, contre 45% avant. Mais il y a un mais. Oui, néanmoins, au niveau du gaz naturel liquéfié, le GNL, les importations justement en provenance de Russie ont augmenté de 18% dans l'Union européenne en 2024. Une lueur d'espoir se dessine du côté des énergies renouvelables. En 2024, l'énergie solaire a supplanté le charbon dans la production d'électricité pour la première fois dans l'Union européenne. Enfin, la machine de l'élargissement a été relancée. Oui, au lendemain de l'invasion russe, l'Ukraine, suivie en mars 2022 par la Moldavie et la Géorgie, a déposé une demande d'adhésion à l'Union européenne. Donc ces trois États ont désormais rejoint le club des pays candidats. La guerre en Ukraine a relancé la machine de l'élargissement à l'arrêt depuis l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne en 2013. Donc depuis 2013, pas de nouveaux pays dans l'Union européenne. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a confié début mars que l'Ukraine pourrait devenir membre de l'Union européenne avant la date cible de 2030 si le pays poursuit ses réformes à un rythme soutenu. Pour rappel, justement, cette décision, par contre, pour qu'un nouveau pays rentre dans l'Union européenne, c'est une décision qui doit être prise à l'unanimité et que l'Ukraine aussi respecte les critères d'adhésion. Donc voilà, être en paix déjà, principe déjà, de base. Bien sûr. Et aussi corrige des problèmes structurels comme par exemple la corruption ou autre. Donc ça, c'est des freins qui peuvent justement faire en sorte que certains pays posent leur veto sur l'adhésion de l'Ukraine. Merci beaucoup Adam, c'était la chronique européenne sur Radio Fadjet présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.